طيب، دونك قواعد، قواعد في أسماء الله تعالى. دي غاجل نولي نو ده الله سبحانه وتعالى. لو كموس بغلي بغلي نو، لو كموس بغلي بغلي نو. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقدير. طيب، qui c'est qui me lit ce passage là? Abdallah, tu me lis ce passage là, فضلك. Voilà, là c'est la première règle. On va expliquer cette règle là, mes frères. Taïb, Asma Allah Ta'ala kulluha husna. Husna, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'explique juste après. Balighatun fil husni ghayatuhu. Comment il a traduit? Balighatun fil hukmi fil husni ghayatuhu. Non, juste avant. Quand il dit husna, ils sont à l'extrême de la perfection. On pourrait dire la perfection absolue. Le meilleur, ce terme-là. La perfection absolue. Khalas. Il n'y a pas plus parfait que ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire forcément qu'elles ont un sens. Non pas comme le disent les Mu'tazila. Ils donnent le nom, ils en enlèvent le sens. Et pour eux, ça s'appelle le tawhid. Hein? Ils disent, hein, ça c'est le nom d'Allah, Rahman, mais il n'a pas de Rahman. Sami', mais il n'a pas de Sam'a. Ils appellent ça le Tawhid. Pourquoi? Parce que pour eux, le Tawhid, c'est quoi? C'est enlever le caractère de ce nom-là. Parce que si tu le donnes, tu l'as fait ressembler aux créatures. N'importe quoi. Mais vraiment, du jahl surf. Et ça, c'est les armes des gens qui sont savants, qui ont pris. Pourquoi? Parce qu'ils ont été influencés par. On a dit quoi? Les philosophies, etc. Vous avez compris ça? Donc, comment il peut atteindre ce nom-là? Tu vas prendre Rahman. Khalas. Tu mets la règle. Vous avez compris? Rahman. Tu prends le nom Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'appelle Rahman? Oui. Il s'est nommé comme ça? Où? Dans le Coran. Sah? Il s'est même nommé comme cela dans le Sunnah. Sah? Taïb, d'ailleurs, les noms et les attributs, on les prend que du Coran et la Sunna, comme on va le voir. D'accord? Taïb. Rahim, il y a ou il n'y a pas? Rahim. Taïb. Quddus, Salam, Mu'min, Muhaymin, tous ces termes-là, tous ces noms-là, na'am, voilà la règle qui dit. Il dit, Balighatun fil husmi ghayatuhu, fil husni ghayatuhu. Elle est parfaite et plus que parfaite. S'il y avait un terme plus grand que ça, on l'aurait pris. On dit la perfection absolue. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? Quand on dit quelque chose, ou plutôt d'un nom, qu'il a la perfection absolue, est-ce qu'on lui donne un sens? Ah oui. On a un sens, puisque s'il est parfait, il est parfait de quelque chose. Ça, là. Donc on ne rentre pas, nous, dans cette falsafa-là. Le dalil, maintenant, regardez. Le dalil. Walillahi al-asma'ul husna. Billahi alaykum, les frères. On vous demande pour Allah. Pourquoi est-ce versé, alors? Et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. S'il a les plus beaux noms, ça veut dire qu'il fait les plus belles choses, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai ou c'est faux? Comment il peut avoir les plus beaux noms et ensuite on lui enlève le sens de ces noms-là, comme le fait le Mu'tazila? C'est possible ça? Est-ce que هذا يعقل? Est-ce que ça c'est dans l'aql? Dans l'aql à eux, oui. Hein? L'aql qui a été pollué à eux, oui. Mais dans notre aql à nous, non. Parce qu'on comprend directement que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et on a dit que فَدْعُوهُ بِهَا, il y a du'a. Mas'ala et du'a quoi? Ibada. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc si quelqu'un te dit, c'est quoi la règle dans les noms? Déjà, premièrement, la première des règles, les noms d'Allah sont husna. Ils sont exemplaires, il n'y a pas plus parfait. Vous avez compris? Et cela va s'expliquer par les exemples qu'il va donner. وَذَلِكَ لِأَنَّهَ مُتَضَمِّنَةٌ لِسِفَاتٍ كَامِلَةٌ. Dans Ar-Rahman, il y a la Rahma dans sa perfection absolue. Vous avez compris ? Dans As-Salam, il y a As-Salam, le sens absolu, la perfection absolue. Et chaque terme, tu le prends hein, de cette manière-là. Vous avez compris, Inch'Allah, chaque nom, tu le prends de cette manière-là et tu suis la règle. Et ensuite, il dit « La naqsa fiha biwajhin min al-wujuh ». Comment il dit ? Il dit qu'il n'y a pas d'imperfection. C'est ça ? C'est ça ? Ils sont dénués de toute imperfection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans Rahman, est-ce que tu peux trouver une imperfection ? Non. Dans Rahim, dans tous ces noms, est-ce que tu peux trouver une imperfection ? Non. Ni par ihtimal, par... comme il dit ici, comme il dit Abdallah, par ihtimal, par possibilité, ils sont dénués de toute perfection. Non. Comment il a dit, sous-entendu quoi ? Supposé. Supposé ou sous-entendu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les noms d'Allah, il n'y a jamais d'imperfection. Ni ce nom-là peut sous-entendre autre chose, d'accord ? Ou ni tu peux supposer quelque chose sur ce nom-là. Vous avez compris ? Elle est parfaite. C'est comme un soleil devant toi. Khalas, tu ne peux pas le... Hein, intouchable. Ce nom-là, il est intouchable. À partir du moment où Allah s'est donné ce nom-là, ça, c'est intouchable. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Maintenant, l'intérêt de savoir ça, mes frères, c'est que Sami' maintenant, quand tu vas entendre Sami' Sami' ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout. C'est l'audio. D'accord ? Mais est-ce qu'il y a une ouïe aussi parfaite que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Abadan. Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce que c'est la perfection absolue. Il entend les petites choses comme les grandes choses. La petite haraka qui est au fin fond d'une forêt, d'une fourmi, il l'entend Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah. Il entend tout Allah. Et il sait tout, il voit tout. Ça, normalement, ça te rajoute de la foi. Ça, normalement, t'as peur après. Tu crains cet être qui voit tout et qui entend tout. Samia. Basir, il voit tout. Il voit ce qui se passe chez toi. Il voit ce qui se passe dans tel pays, et dans tel endroit, et dans l'espace, et dans les planètes, etc. Il voit tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le créateur bien informé. Allahu Akbar. Al-Basir. Al-Azim. Est-ce qu'il y a A'zam min Allah ? Al-Azim, le grand. Est-ce qu'il y a plus grand qu'Allah ? La Abadan. Al-Alim, l'omniscient. Il sait tout, tout ce qui se passe en même temps, tout. Allahu Akbar. À cette heure-ci, ce qu'il y a dans ton cœur, il sait. Ce qu'il y a dans mon cœur, il sait. Ce qu'il y a dans ton cerveau, il sait. Tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science absolue. Allahu Akbar. Ça, normalement, t'as peur. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu sors, tu te dis, y'a un être comme ça, c'est lui qu'on adore. Et c'est lui qui mérite l'adoration. Personne d'autre. Vous avez compris ? Pas comme ceux qui adorent les statues, et, qui sont des fois même plus faibles qu'eux. Pourquoi on vous parle de ça ? Parce que ceux-là, les Asma al-Husna, ils sont mentionnés, comme on a dit, dans le Coran et dans la Sunna. D'accord ? Mais maintenant, si je viens avec le terme Mourid. Mourid, c'est celui qui veut. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Il a la volonté. Ça, là. Il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alu lima yurid. D'accord ? Tu peux dire mourid. Est-ce que des fois, tu entends Allah yatakallam ou wal mutakallimu bimasha ? Tu as déjà entendu dans certains discours que Allah subhanahu wa ta'ala est mourid, ou alors c'est le fa'il, ou alors c'est le mutakallim ou le sha'i. D'accord ? Tu as déjà entendu ces termes-là. C'est vrai ou c'est faux ? Mutakallim, celui qui parle, tu as déjà entendu. Celui qui veut, Allah c'est celui qui veut. Vous avez déjà entendu ça ? Mais est-ce qu'on lui donne ce nom-là ? Non. Premièrement, pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas dans quoi ? Dans l'asma al-husna. Mais vous allez voir que notre dîn, il est trop bien protégé. Et notre dîn, il est parfait. Allahu Akbar. Al-Mutakallim, ça veut dire celui qui parle. Sa'alala. Al-Mutakallim, c'est celui qui parle. Est-ce qu'Allah a ce nom-là ? Non. Yusafu bil-kalam, Allah yatakallam, bien sûr, ça on le sait. Parce que Al-Qur'an, c'en est une preuve. Allah, hein, yaqul, yaqulu masha. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Taïb. Maintenant, pourquoi on ne l'appelle pas mutakallim? Parce que ce terme-là, mutakallim, est sujet, on peut supposer une imperfection dedans. Comment on peut supposer une imperfection dedans? Oui, tu peux dire du mal comme du bien. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'est un nom d'Allah. C'est un des noms d'Allah, mutakallim? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir quoi? Il peut y avoir cette imperfection. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb, sani', l'ingénieur ou le créateur, hein, sani', on a un khaliq, d'accord? Créateur, on a un khaliq, d'accord? Yakhluqu ma yasha. Mais sani', est-ce qu'on l'a? Non. Fa'il, l'acteur, celui qui agit. Tu peux agir en bien, tu peux agir en mal. Bien sûr, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire, c'est bien. Mais le fait qu'il y a cette supposition, le fait qu'il y a la possibilité ou un sous-entendu d'imperfection, ce n'est pas un nom d'Allah. On ne peut pas lui donner ce nom-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la règle, c'est quoi? Hein? Et ça te prouve aussi, ça te prouve que Allah a choisi ses noms. Tu as compris? Allah a choisi ses noms. Tu ne dois pas, toi, inventer un nom. Tu dis, ya, fa'al kada, ou ya kada. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tu ne vas pas inventer un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais à titre informatif, al-murid, celui qui veut, ou al-mutakallim, celui qui parle, à titre informatif, on peut le dire ou pas? À titre informatif, bab al-khabar, on peut le dire ou pas? On le dit, il n'y a pas de mal. Mais lui attribuer ce nom-là, c'est ça la règle, frère, faites attention. Mais à lui attribuer ce nom-là, on le fait que si on a une preuve du Coran et de la sunna. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que ces termes-là, il est possible qu'il y ait un sous-entendu d'imperfection. Quelle différence? L'attribut, ça veut dire... Non, le nom, en tant que le donné de... Le fait de donner... En fait, tu vas comprendre, vous allez voir bientôt, Inch'Allah, dans les règles à venir, parce que les règles vont venir petit à petit. D'accord? C'est un raisonnement, on va dire, c'est un raisonnement logique. L'attribut, c'est pas par l'attribut que tu donnes un nom. Vous avez compris? Par exemple, Allah yatakallam. Allah parle. C'est celui qui parle. Allah subhanahu wa ta'ala parle. Est-ce que tu vas dire, est-ce que tu vas lui donner, de par rapport à la sifa, qui est quoi? Qui est le fait qu'il parle? Est-ce que tu vas lui donner directement son nom? Non. T'as compris? Parce que le mutakallim, ça peut être quelque chose qui sous-entend une imperfection. Vous avez compris? Et si Allah s'était appelé mutakallim, il n'y a pas de mal. D'accord? Mais tant qu'il n'y a pas ce nom-là, t'as compris? Voilà. Donc de l'attribut, on ne tire jamais un nom. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Par exemple, yaghdab, Allah. Yaghdab ou ma yaghdab? Sah? Maghdoubi alayhim, sah? Donc Allah se met en colère. Est-ce que tu vas l'appeler Al-Ghadib? Non, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il est tout le temps en colère et une imperfection. Ça, vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Donc de l'attribut, vous allez le voir plus tard, de l'attribut, on ne tire jamais un nom. Par contre, quand on a un nom, on tire forcément quoi? L'attribut. Vous avez compris? Taïb. Maintenant, ces paroles, Al-Murid, Al-Fa'il, Al-Sha'i, celui qui veut, toutes ces choses-là, tous ces noms-là, tu peux en parler à la wajh al-ikhbar, al-sani'. Tu peux les utiliser en tant qu'information. Parce qu'on sait qu'on parle d'Allah. Si moi je vous dis, Allah mutakallimun bimasha, Allah parle de ce qu'il veut. Yani, il parle ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah dit ce qu'il veut. Est-ce que j'ai fait une erreur en disant ça? Pourtant j'ai utilisé mutakallimun. Et mutakallimun là, c'est dans un sens affirmatif, à titre de nom ou par ikhbar, juste par information. Juste par information. Donc, à titre informatif, par information, tu as le droit. Tant que cela ne suppose pas quoi? Une imperfection. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est bien compris. Hein? Donc, on a le qism al-awwal qui est quoi? Qui est le husna. Ça, on l'a tous compris. C'est dans le Coran, c'est dans le Sunnah, khalas. Vous avez compris? Rahman, Rahim, Quddus. Celui-là ne peut être, il ne peut être sujet à l'imperfection. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ça, on l'a expliqué. Et bien sûr, ça incombe que tu crois envers ce nom-là, qu'il est sur sa perfection absolue. Vous avez compris? Le deuxième qism, alas, le deuxième, c'est quoi? C'est, ça sous-entend quelque chose, ça peut, il peut y avoir une imperfection dedans. Et Allah se nomme pas de ce nom-là. Vous avez compris? Il ne se nomme pas de ce nom-là. Mais à titre informatif, tu peux le dire. Mais maintenant, quand c'est une imperfection totale, là, tu n'as pas le droit de le nommer par cela. Vous avez compris? Comme Gharib. Par exemple, ça veut dire que c'est longtemps que Allah, il est tout le temps en colère. Non. Tu ne peux pas donner ce nom-là. Vous avez compris, Inch'Allah? Tu peux dire Allah yaghdhab. Ou Ghadiba ala al-Yahoud, ou Ghadiba ala. Tu peux dire. Mais de lui donner tout le temps ce nom, là, abadan. Même à titre informatif, il faut faire attention à certains termes, à certaines paroles qu'il ne faut pas utiliser vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Al-Qism, al-Thalith, le troisième Qism, comme je viens de vous dire, c'est, par exemple, ce qui montre une imperfection totale, et ça on a dit, celui-là, on donne, ni on le donne à titre informatif, d'accord, et encore moins par attribut, et encore moins lui attribuer ce nom-là, mais à titre informatif, on ne le donne pas. Par contre, celui qui a une imperfection et en même temps un kamel, il a une imperfection et il a en même temps une perfection. Ça existe ou pas? Ça existe. Là, par exemple, on va vous donner un exemple avec quoi? Avec ça, c'est l'exemple que je vais vous donner, Inch'Allah ta'ala. Al-Khida'a. Est-ce qu'on peut dire Allah, il est khadi'a? Hein? Pourtant, Allah dit Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ah. Comment on fait là? وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que Allah, il est makir ou khadi'. On a le fa'il là. Ça, on a là. Comment on fait? Je vais vous donner une règle en plus. Hein? Le contexte? Elle est totale dans ce? Dans ce? Lui, il a donné un morceau et toi, tu as donné un? Là, tu y es presque. Lui, il a dit contexte. Donc, toi, qu'est-ce que tu dis? Khadi' et makir, ici. Ah non, là, tu t'es éloigné. Voilà. Voilà. Zakallah khair. C'est quoi ton prénom? Bilal. Bilal, il a raison. Il te dit, il faut regarder son contexte. Vous avez compris? Regardez. Inna al-munafiqina. يخادعون الله وهو خادعهم. D'accord? خادع c'est quoi? Le خدعة, les frères, c'est la ruse, la traîtrise. أعوذ بالله, يعني c'est un terme خدع, c'est pas un terme qui est bon en soi-même. D'accord? Ça montre un petit peu le un mauvais côté de la personne en soi-même. Vous avez compris? خدع c'est la ruse, on va dire. طيب. Ici, les munafiqin, ils pensent qu'ils vont être rusés vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il est le meilleur des ruseurs, hein? Vous voulez les ruser? Ruseurs ici. Taïb. Allah, c'est le meilleur des ruseurs. Mais dans ce contexte, mes frères, dans ce contexte, fil muqabala, c'est-à-dire lorsqu'il est confronté à une chose. Ou par exemple, les munafiqins se moquent d'Allah, yastahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim, wa yamudduhum fi tughyanihim, ya'mahoun. Sah ? Faut regarder le contexte. On va dire que la sifa, on l'affirme, mais dans son contexte. On affirme cette sifa-là dans son contexte. Et on ne l'affirme pas dans, en général et dans l'absolu. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Vous avez compris ça ? Ça, c'est très important. Parce que s'il y a quelqu'un qui te dit, oui, mais Allah, il a dit khadi'uhum. Oui, mais Allah, il a dit khair al-makirin. Oui, mais regarde dans quel contexte il l'a dit. Donc, tu dois l'affirmer dans ce contexte-là. Mais tu ne dois pas lui attribuer le nom de makir, le nom de khadi', vous avez compris? Ou le nom de mustahzi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tu ne peux pas lui attribuer ces noms-là. Est-ce que vous avez compris? Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça sous-entend quoi? Une imperfection. Vous avez compris? Quand est-ce qu'on va dire que c'est une perfection? Quand est-ce? Que s'il est confronté à cela. Exemple, les munafiqines, ils veulent faire une ruse. À qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils veulent ruser Allah. Quand quelqu'un, on va prendre l'exemple avec qui? Avec Moussa par exemple. Voyez, Moussa est devant moi. Moi j'essaye de faire un coup à Moussa. Mais Moussa il a bien senti le coup. Hein, vous avez compris? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un stratagème. Il élabore un stratagème de sorte à ce que je tombe moi dans sa ruse. Et c'est pas moi qui lui a. Là c'est une perfection ou ce n'est pas une? Dans ce contexte-là, ça devient une perfection. Vous avez compris, inchallah? Vous avez compris? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, il ne va utiliser ces termes-là, khadi' ou al-makr, etc., que fil muqabala. Illa indaish al-muqabala. Vous avez compris, inchallah? Vous avez compris? Donc ça devient une perfection dans son contexte. Vous avez compris? Ça devient un kamal, cette sifa, ça devient un kamal dans quoi? Dans son sujet et dans son contexte. Que si on me le fait. Et on va dire, si tu dis Allah il est khadi' liman yakhda'uhu. Mais tu dis pas il est khadi' ala l'itlaq. Vous avez compris? Il est makir, oui. Yamkur, wa yamkur, wa yamkurun, wa yamkurullah. Ils rusent avec Allah, Allah rusera avec eux. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ainsi de suite. Donc chaque sifa ou chaque terme qui peut être sifa ou terme ou nom ou terme ou attribut qui peut être sujet à une imperfection, s'il est dans un contexte, il faut regarder son contexte. S'il est dans un contexte de perfection, là il n'est plus sujet à l'imperfection. Il est sujet à quoi? À la perfection. Fahimtum ya ikhwan? Fahimtum hada? Tayyib. Donc ça c'est le qism al-rabi'. Donc on a quoi? On a le premier qism qui est quoi? Kamalun mahdun fi dhatihi wa mawdi'ihi. Le premier qism c'est quoi? L'asma al-husna. Je résume encore une fois. Faut bien que ça rentre ça les frères. D'accord? Asma al-husna, al-qa'ida al-oula, asma Allah kulluha husna. Tu la prends par cœur. D'accord? Le dalil, ايش? Wallahi al-asma al-husna. Tu l'auras accepté sans dalil? Non, on n'accepte rien sans dalil. Nous on est ummat al-dalil. Hein? Tayyib. Donc Cheikh al-Uthaymin, alhamdoulillah, il a ramené al-dalil. Tayyib. Donc le premier qism, c'est une perfection totale, d'accord, dans son sujet et dans son contexte, d'accord. Et ça, c'est les noms d'Allah, comme c'est dans les noms d'Allah, Rahman, Rahim, etc. Athani kamalun fi dhatihi la fi mawdihi. Ça veut dire que c'est un kamal, c'est une perfection en soi-même, mais cela va dépendre du sujet, d'accord. Et ça, on vous a mis avec quoi? Mourid. Mutakallim, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il peut vouloir quelque chose. La personne peut vouloir quelque chose de bien, comme il peut vouloir quelque chose de mal. D'accord? Mourid. Ou, il peut, mutakallim, il peut dire quelque chose de bien, comme il peut dire quelque chose de mal. D'accord? Tayyib. Mais pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il va faire, Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est que du bien. Vous avez compris? Mais là, on parle par rapport à la personne, et par rapport à ce nom-là. Est-ce qu'on va l'utiliser? Oui, on l'utilise, mais comme on a dit, on l'utilise à titre informatif. D'accord? Et c'est un khabar et ce n'est pas un nom d'Allah. Le troisième, ma yuhtamalu ish naqsan wa kamalan. Ma yuhtamalu ish naqsan wa kamalan. Donc il y a un naqs, une imperfection dedans. Il sous-entend une imperfection mais en même temps une perfection. فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا وانما خبرا مقيدا ولا يعتبر من الاسماء. Regardez, celui-là à titre informatif, hein, celui qui contient une imperfection ou plutôt qui sous-entend ou qui suppose une imperfection et en même temps une perfection, celui-là on va le prendre que muqayyad. Muqayyad ça veut dire quoi? Hein? Qayyad. Exactement, on va le limiter à une situation et à un contexte précis. On va le limiter à une situation et à un contexte précis. Et je vous ai donné l'exemple avec quoi? Le makr, le khida', d'accord? Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khayru al-makirin. Là, est-ce que tu vas dire que la sifa n'existe pas? Non, tu vas dire elle existe, mais que dans ce contexte-là. Et on lui donnera jamais ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un axe dedans. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? طيب. Donc le troisième cas, ما يحتمل نقصا وكمالا. فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا. On ne donne pas, on le donne même pas à titre informatif. On le donne à titre informatif que si il est limité et dans son contexte. Est-ce que vous avez compris? Regardez comme quoi il ne faut pas dépasser les limites avec les noms d'Allah. Vous avez compris? Vous avez compris? Subhanallah. Une fois, j'ai entendu un yéménite dire: Wallah, celui-là, il a fait du dhulm, Allah yadhlima. Il a dit, regardez, hein, il a dit, celui-là, il a fait du dhulm, telle personne a fait du dhulm, il a été injuste, qu'Allah soit injuste avec lui. Astaghfirullah al-Azim. Est-ce que Allah est dhulm, a'udhu billah? Allah dit, laysa bi dhallamin lil'abid. Vous avez compris? Allah s'est exalté du dhulm. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit la justice. Mais lui, comme il a pensé que, voilà, c'est fil muqabala, hein, un petit peu comme le makr là, comme il a compris cette chose-là, il est tombé dans cette erreur. Non, ce terme-là, tu ne l'utilises pas parce que dhulm, Allah lui-même se l'est. Hein, se l'est interdit. Inna Allah harrama, inna Allah aish, harrama dhulm wa ja'alahu baynakum muharraman fala tadhalamu, comme c'est venu dans le hadith al-Qudusi. Donc c'est grave de dire ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc il faut, les termes, même à titre informatif, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'erreur. Ils ont donné le terme de jism à Allah subhanahu wa ta'ala, corps, etc., comme on va le voir, inshallah ta'ala, où ils ont attribué des choses qui n'étaient pas dans les paroles de qui? Qui n'étaient pas dans les paroles des salafs. Vous avez compris ça, inshallah? Donc nous, comme on a dit, le troisième cas, c'est quoi? C'est tu le limites et tu le mets dans son contexte. Et tu ne l'affirmes que dans son contexte. D'accord? Comme ça, tu as mis des barrières. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Le quatrième cas, naqsan mahdan. D'accord? C'est un naqs total. C'est une imperfection totale. Exemple, dhulm. Allah, souvent on dit, ايش? Laysa bi dhallamin. Ma kana Allah liyadhlimahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah, c'est interdit l'injustice ou pas? Il s'est interdit l'injustice. Pourquoi alors? Tu viens, tu vas dire Allah il est dans le ma'oudou billah. Ça c'est grave. Parce que lui-même s'est interdit cela. Il s'est exalté de cela. Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est purifié de ça. A'oudou billah. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc là, tu peux, même à titre d'information, est-ce que tu peux le dire? Non, abadan. Là, c'est un mauvais adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça? Ça, c'est le quatrième. Ça, c'est le quatrième. La quatrième forme. Et celui-là, ni tu le donnes à titre informatif, ni tu l'affirmes comme sifa, et encore moins le nom. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et encore moins le nom. Et ça, c'est plus grave si tu le donnes comme nom. Et c'est pour cela qu'on dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Vous avez compris? Donc, il y a quatre cas dans les أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? Il y a quatre cas. Est-ce que vous avez bien compris cette règle-là? Elle est bien rentrée, celle-là? Me faut? Donc, il y a quatre cas. La perfection totale. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'on a dit? La perfection totale. Le deuxième qism, c'est quoi? C'est un kamal fi dhatihi, en lui-même, lakin la fi mawdi'ihi, suivant le sujet. Ça va dépendre du sujet. Comme on a dit, murid, hein, mutakallim, etc. Le troisième, c'est quoi? Celui qui est un axe, il peut supposer un axe. Un axe, c'est quoi? Une diminution, une imperfection. Mais qui peut supposer aussi un kamal. Le kamal, c'est quoi ici dans khadi'uhum ou wayum kurun? C'est quoi le kamal? C'est qu'Allah à quoi? A réussi à déjouer leur plan et leur stratagème. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc là, c'est un kamel. Mais si tu le prends tout seul, ah, celui-là, c'est un rusé ou c'est un ruseur, hein, taïb, celui-là, là, c'est pas un kamel, c'est un naqs. C'est vrai ou c'est faux? Taïb, ça suppose ça et ça. Et le quatrième, un naqs total. Zalim, a'oudhu billah. Ou ce genre de termes-là qui sont directement des paroles mauvaises vis-à-vis d'Allah subhanahu. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Celui-là, ni tu le donnes à titre informatif, et ni rien du tout, d'accord? Le deuxième, on a dit, on le donne à titre informatif. Et on dit, bien sûr, qu'il est propre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, on a dit quoi? On a dit, on le donne que dans son contexte. Je répète bien, que dans son contexte. Wa yamkuru wa yamkuru Allah. Allah, il yamkur, na'am, yamkur, lakin, yamkuru biman, yamkuru ma'am. Vous avez compris? Mais le quatrième, là, Le quatrième, jamais. Ni titre informatif, ni rien du tout. Et c'est grave, ça peut être du kufr, le 3. Le quatrième. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Et ça, ça prouve quoi, mes frères? En vous donnant les quatre manières de comprendre le nom, les asma Allah al-Husna. Et cette première règle. Ça, ça permet de comprendre qu'il y a un sens à ces noms. C'est vrai ou c'est faux? Ça, ça montre bien qu'il y a un sens. Vous avez compris? Ça montre bien qu'il y a quoi? Un sens, et non pas ce tawhid des Mu'tazilia qui est de quoi? De donner un simple titre, mais sans le sens. Un simple nom comme celui-là, un sami' bila sama', basir bila basar, wa hada wa hakada, n'importe quoi. Vraiment, c'est quoi ce aql? Subhanallah, moi, même un jahil, subhanallah, quand j'ai lu sami' basir, moi j'ai compris tout de suite qu'Allah, il voyait tout, c'est, même la fitra dit ça, subhanallah al-azim, c'est vrai ou c'est faux? Eux non, même la fitra elle est partie. Qu'Allah nous préserve. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Alors, on finit quand même cette règle. طيب, ensuite il dit مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق أو تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. طيب ليه en français الحي. Le premier, c'est le Hayy. Il existe des mots qui désignent l'imperfection avec une supposition d'imperfection. Non, ça, c'est ce qu'on a justement qu'on a expliqué. Mais il donne l'exemple. Mithal al-Hayy. Directement, on va vers le Mithal al-Hayy. Mithal al-Dhalika al-Hayy. L'exemple de quoi? De al-Hayy, le terme, le vivant. Al-Hayy. Le vivant. Écoutez bien. Pourquoi c'est un nom d'Allah? Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum. Khalas, athbatahu li nafsi. Allah, est-ce qu'il a donné ce nom-là? Il s'est attribué ce nom-là? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Coran. C'est ça la règle. C'est un ism. Ça y est. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Fini? Adam. D'accord, le Adam c'est l'inexistence, le néant. Hein? Elle n'a jamais été précédée de quoi? D'une inexistence. Pourquoi? Parce qu'Allah c'est lui l'awwal. Walaysa qablahu shay. Il a toujours existé Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yalhaquha zawal. Sa vie ne sera jamais affectée par l'extension, c'est-à-dire. Na'am. Wal hayatu, vas-y. Taïb, cette vie-là, elle encombre aussi ses autres sifats. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala vit, ben il sait. Il sait, il est capable, il entend, il voit. C'est logique aussi. Ça, puisqu'il vit. On ne peut pas dire d'une. Parce que, regardez le Mu'tazila. Ces gens-là, ils disent quoi? Ils disent, mais si tu lui donnes ce nom de Afwan, pour eux, c'est comme si c'était un être vivant. Mais encore, hein, s'ils disent qu'il est vivant, Allah alam. C'est un être vivant, mais il est sami' sans sami'. Il est basir sans basar. Il est sans. C'est quoi ça? C'est un être après ça, c'est quelqu'un de vivant, subhanallah, ce qu'il donne. Hein. En vérité, ces gens-là, ils ont voulu enlever même l'existence d'Allah. Quand tu pousses un petit peu hein, le message, quand tu pousses le message des mubtadi'a sur ça, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ont interprété les noms et les attributs d'Allah jusqu'à les enlever complètement. Il y avait même un salaf qui disait « Si tu veux, tu ne peux pas... » Il disait ça. Salaf, il disait « Tu ne peux pas qualifier le néant mieux que les Mu'tazila al-Jahmiya. » Tu ne peux pas qualifier le néant mieux que ça. Parce qu'ils te disent « Allah, il n'est ni à l'intérieur du alam, ni à l'extérieur. Ni à côté, ni à droite, ni à gauche. Ni en dessous, ni au-dessus. » Et ensuite ils disent, il n'entend pas. Tu ne peux pas lui dire qu'il entend, parce que si tu dis qu'il entend, il ressemble à la créature, etc. À la fin, tu ne peux pas hein, définir le néant mieux que ce qu'ils le définissent. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ils ont fait ce qu'on appelle du tafsil dans quoi? Dans le nafi. Ils ont fait du quoi? Du tafsil, ils ont détaillé la négation. Et nous, on avait vu de parmi les règles dans la Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est que tu ne détailles pas la négation. Au contraire, le chemin de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est quoi? C'est que la négation, elle est quoi? Elle est générale. Elle n'est pas détaillée. Vous avez compris? Allah, il dit, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Est-ce qu'il a dit fawq, taht? Est-ce qu'il a détaillé la négation? Non. Mais par contre, il a détaillé quoi? Il a détaillé l'information. Wa huwa as-sami'u al-basir. En détaillant, en vérité, en détaillant l'affirmation, c'est pour te prouver qu'il a des noms et des attributs. Sinon, c'est quoi l'intérêt? Vous avez compris ça, inshallah. Et en généralisant cette négation, il a voulu par là, Allah subhanahu wa ta'ala, fermer la porte de l'imagination, de s'imaginer comment est Allah. Avec un terme, tu ne peux pas trouver mieux. Rien ne lui ressemble. Est-ce que tu peux trouver mieux que ça? Est-ce que tu peux imaginer un être à partir du moment où lui-même il te dit que rien ne lui ressemble? Vous avez compris ça, inshallah? Ajib aoula. Allah, ajib l'uqoula. Sallallahu alayhi wa sallam wa l'afia. Vous avez compris ça, inshallah? Donc, al-hay ici, al-hay mustalzim al-kamal sifat, wa'ish, min al-ilm wal-qudra wal-sam' wal-basar wa ghayriha. Ensuite, il dit, wa mithalun akhar. Vous avez compris ce mithal avec al-hayat? D'accord? Donc, le ism, il fait partie d'Asma Husna? Oui. Mais c'est la meilleure des hayat. C'est ça qu'il a voulu dire. Et forcément, la meilleure des hayat, qui est la vie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, dans sa perfection absolue, forcément, elle incombe qu'il sait, qu'il est capable, et qu'il entend, et qu'il voit, etc., etc. Sinon, quelqu'un qui est vivant et qui est incapable, ça sert à quoi qu'il est vivant? Quelqu'un qui est vivant et qui ne voit pas, ça sert à quelqu'un, etc. Vous avez compris, Inch'Allah? Ça, c'est un axe. C'est lui donner un axe. Vous avez compris? Vous avez compris, Inch'Allah? Ça, bien sûr, quand je donne les mythes, c'est sur un être autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas dire ça sur Allah, subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Taïb, vous avez compris, Inch'Allah, mes frères? Taïb. Ensuite, il dit, mythal ou akhar. Un autre mythal. Un des noms d'Allah. Al-Alim. Fadhal, Abdallah, Iqra. Attends, je lis en arabe. اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق عفوا بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما تعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى c'est moi qui rajoute وقال تعالى pour refaire la différence entre les versets يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. طيب اقرأ. L'omniscient, l'alim, n'am. C'est l'un des noms d'Allah qui implique une science parfaite. Une science qui n'a jamais été précédée d'une période d'ignorance et qui ne peut être affectée par le vide. Allah dit. Afwan. Donc, qui a été. Hesh qui n'a jamais été précédée d'une période d'ignorance. D'ignorance, Afwan, et quoi? Et qui ne peut être affecté par l'oubli. Et c'est pour ça que certains savants ne vont pas te donner la sifa de l'ma'rifa. D'accord? Le hadith ta'arraf Allah firraha. Certains, ils l'auront dit da'if ce hadith-là. D'accord? Al-ma'rifa, la connaissance vient de. Derrière, il y a quoi? Avant la connaissance, il y a quoi? Il y a l'enseignement. Allah, personne n'enseigne. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui sait et qui sait tout. Vous avez compris ça, inshallah? Donc, il faut. Regardez comment il faut faire attention, quoi? Au terme. المعرفة لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة الله يعرف كذا على وجه الإخبار tu dis il connaît cette chose là على وجه الإخبار comme on a dit hein, comme avec متكلم d'accord على وجه الإخبار ولكن le mieux c'est de dire يعلم faut utiliser les termes يعلم tu dis pas الله يستطيع tu dis pas ça tu dis الله يقدر vous avez compris vous utilisez les termes que lui-même il s'est attribué. Si on a même un terme à titre informative, hein, si on a ce terme-là et on a un terme qui englobe et qui est plus fort dans le sens que ce terme-là, on utilise lequel? Par exemple, ya'rif. Ya'lam, c'est quoi le meilleur? C'est ya'lam. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc tu dis ya'lam. Yastati'. Hein? Le mieux, c'est quoi? Entre yaqdir et yastati'. Yaqdir. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Si ça, si ça lui ressemble, ça, ça a un sens plus. Ça a un sens et en plus un autre sens, comme dans yaqdir et dans ya'lam. Sur ma'rifa et sur yastati', c'est mieux d'utiliser ces termes-là. Donc, al-alim, c'est ça. Tayyib, il dit, wala yahaqo nisyan. Pourtant, Allah, il utilise le terme nisyan. Al-yawma nansakum, kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. Là, c'est une choubha, là, que je vous mets. Hein? Vous avez intérêt à sortir avec la réponse de cette choubha, sinon, vous n'allez rien comprendre. Tayyib, al-yawma nansakum. Aujourd'hui, on vous oublie. Nasullah, Nasullah, regardez, Nasullah fa nasiyahum. C'est dans le Coran, ça. Hein? C'est délaissé le nisyan. Ah, il a fait un ta'wil, là. Il a fait un ta'wil, il n'a pas fait de ta'wil. Hein? Rachid? Le contexte. Oui, le contexte. C'est ce qui va t'aider à comprendre. Donc, ici, l'oubli, c'est quoi ici? L'oubli, c'est quoi ici? Hein? Hmm? Regardez, il a dit le contexte. D'accord. Nasullah fa nasiyahum. C'est vrai ou c'est faux? Regardez, Nasullah, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. C'est ça que ça veut dire. Bon, on fait une traduction comme ça, globale. Ou alors, l'autre verset qui dit Al-Yawm, aujourd'hui, on vous oubliera comme vous nous avez oublié. D'accord? Donc ça, c'est dans le qism de le thalith, là, comme il a dit. C'est vrai ou c'est faux? Taïb. Walakin nisyan, yekhwan. Là, on parle du nisyan. Regardez, là, on a parlé du ilm. Comment Allah, il oublie? Amdan. Ça veut dire quoi? Il a décidé Sha'a. Il a? Sha'a Allah. Vous avez compris ce qu'il dit? Il a décidé de vouloir oublier. Vouloir oublier? C'est dans le sens délaissé, d'accord. Bon, là, il a trouvé le vrai terme. Que ici, oublier, c'est dans le sens quoi? Délaissé. C'est quoi le délai, l'arri? Tu viens, là, t'attends d'interpréter, tu rentres dans l'erreur de qui? Hein? L'erreur des autres, comme on va voir. L'erreur des Moubtadi'a, là, il a interprété, c'est vrai ou faux? Nisyan, nous, qu'est-ce qu'on comprend du Nisyan, nous, en tant qu'arabe. Hein? En tant que même français, si tu veux, oublier. Hein? Ça, on a parlé du contexte. Non, on a parlé du contexte. On a dit le contexte, qu'est-ce qu'il a dit, Rachid? Le contexte, oui, c'est dans le sens « wa yamkurun wa yamkurullah ». Et regarde bien, d'ailleurs, il y a le muqabala ici. « Nasullah », ils ont oublié, « fanasiyahum ». C'est vrai? Ça, on ne parle pas de ça. Ça y est, khalas. Cela, de toute façon, tu ne peux pas dire « Allah yattasifu bin nisyan ». Est-ce que là, on peut dire « nasi »« Allah »« nasi » le terme. Non, « adhubillah », on ne peut pas dire ça. D'accord? Est-ce qu'on peut dire « yansa » Est-ce qu'on peut dire « yansa » On va voir si vous avez compris la règle. Là, sauf dans ce cas-là, dans le contexte. Si tu oublies Allah, Allah t'oubliera. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Si tu oublies Allah, idha nasit Allah, Allah, c'est un sac. Mais moi, je reviens à la parole de Rakhine Bismikiyari. Hein? Sajid. Il dit, ici, ça a le sens de délaisser. Lui, il a interprété le nisyan ou pas, là? Non, je ne le lâche pas, lui. Il a interprété ou pas? Hein? Les frères, l'interprétation, la langue arabe. Les frères, il faut savoir une chose, c'est que l'interprétation, elle a plusieurs sens, ta'wil. D'accord? Quand tu ramènes l'interprétation linguistique qui existe dans le terme, il n'y a pas de mal. Vous avez compris? Par exemple, le nisyan, chez les arabes, ça veut dire aussi le quoi? Le tark, le fait de délaisser. Vous avez compris? Le fait de délaisser. Là, c'est quoi qui va nous amener à dire que ici c'est le délaissement? D'accord? C'est le contexte, comme a dit Rachid, il a dit la première partie, c'est le contexte. Et la deuxième, c'est que on peut le comprendre que comme ça. Pourquoi? Parce que Allah, il est Alim, c'est vrai ou c'est faux? Wala yansa, et il n'oublie pas. Voilà exactement. La yadhillu rabbi wala yansa, Allah il n'oublie pas. Donc l'oubli ici, c'est dans le sens quoi? Tark. Dans le sens de quoi? D'oubli. Et est-ce que ça existe dans la langue arabe? Oublier dans le sens je te délaisse. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Il n'y a plus d'ishkel. Il n'y a pas d'interprétation. Hein? Chaque chose, elle est dans son contexte. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Est-ce que c'est bien compris? Vous avez bien compris ça? Mufoumadin? Taïeb. Donc, l'oubli dans le sens délaissé, il n'y a pas de mal à l'affirmer. À l'affirmer dans son contexte. D'accord? Il n'y a pas un qui vient qui te dit Allah, c'est Nasi, ou Allah, Yansa. Oui, Yansa, man Yansa. Tu rajoutes ça. Yansa, man Yansa. Allah oublie dans le sens. Et regarde, même nous, on le dit. On dit oui, je t'ai oublié, toi. Ça veut dire quoi, je t'ai oublié? Est-ce que ça veut dire que je ne me souviens pas de toi? Hein? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que je t'ai délaissé. Ça, là. Donc ça se dit ou ça se dit pas? Là, ici, le nisyan, il est bima'na dhuhul. Ça veut dire savoir une chose et ensuite l'avoir oublié. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ça, c'est un défaut. C'est un défaut chez l'être humain. À plus forte raison chez qui? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc on ne peut pas admettre ou dire le nisyan dans le sens, dans ce sens-là, on ne peut pas l'attribuer à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez les versets qu'il a cités. Vas-y, lis les versets en français. Regardez, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut s'égarer ni oublier. D'accord? Donc ça, c'est des sifètes que tu vas toujours refuter. Toujours ne pas accepter. Tu vas renoncer à dire qu'Allah yansa ou yadhil, a'udhu billah. Yadhil, là, c'est grave. Taïb, Allah la yadhil. Parce qu'Allah le dit lui-même. La yadhil, ne s'égare pas. Le yansa, sauf dans un contexte. Mais on l'a dit, c'était quel contexte? Mais voilà, yansa, dans ce sens-là, c'est-à-dire il oublie, oui, là, tu es obligé de le renoncer. Vous avez compris, Inch'Allah? Taïb. Ensuite, il dit... Regardez, en général et en détail. Allah a englobé toute chose de par sa science, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer et comment ça va se passer, où c'est que ça va se passer. Il le sait, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et il sait tout ce qui s'est passé. Et Inch'Allah, si tu auras des choses, des ishkalats, etc., Inch'Allah, tout se verra fil akhira, Inch'Allah. Tout se verra fait l'akhira. Amma l'an, yani, toi, l'ordre que t'as, c'est de quoi? C'est d'adorer ce Seigneur sans rien lui associer. Naam. Ensuite, il dit. Que ce soit ce qui est relatif aux actes d'Allah, qu'à ceux des créatures. Vous avez bien compris ça? Mafoum hada? C'est-à-dire que ce soit par rapport aux actes d'Allah ou aux actes créatures. Ça veut dire qu'Allah connaît les actes des serviteurs et Allah connaît ses propres actes, bien sûr. Taïb, ensuite. Regardez, comment on peut dire après, il est alim bila ilm. Ce verset-là, il n'est pas clair. Ce verset-là, il dit qu'il sait tout. Hein? Et en plus, il donne les amthila, les exemples de ce qu'il sait, Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib, yani ajib. Taïb, continue. Il sait ce qu'il y a dans les cieux, ça c'est un autre verset. Ouais. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et dans le monde terrestre. Il sait également ce que vous faites en secret, comme ce que vous faites en public. Allah est celui qui connaît parfaitement le contenu des cœurs. Allah. Donc, khalas, il sait ce qu'il y a aussi dans le contenu des cœurs. Subhanallah. Donc, ça prouve également que ce nom, Alim, bien sûr, il y a son sens aussi avec. Non pas comme le disent les. Continue. Attends, je le dis en arabe. Wa mithalu dhalika ar-Rahman. On finit cette règle, Inch'Allah. Wa mithalu dhalika ar-Rahman, ismun min asma'illahi ta'ala, mutadhamminun li rahmatil kamila, allati qala anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال من دعا الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طيب لي Regardez, donc il t'a donné les différents degrés de rahma, subhanallah. Et il a montré que l'être, la créature, peut avoir une rahma, comme la mère a envers son fils, mais que cette rahma-là n'a rien à voir avec quoi ? Hein ? Avec celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est les sahaba, quand ils ont entendu le prophète, alayhi salatu wa salam, dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, a plus de rahma que cette femme là envers cet enfant, subhanallah. Déjà, imagine-toi la rahma de qui ? De la mère qu'elle a envers son enfant. La mère, elle est grande, sa rahma. Hein? Subhanallah. Même si son enfant, c'est un grand criminel, elle ne le lâche pas. Et elle l'aime et elle le protège, etc. Taïb. Et bien, il te dit que la rahma d'Allah, elle est beaucoup plus grande, subhanallah. Imagine-toi. Toi, ta mère, elle pourrait te faire du mal ? Elle pourrait te faire quelque chose vraiment. Hein, subhanallah. Elle pense à toi, elle a. Le sentiment, à chaque fois, hein, c'est l'être qui t'a fait le plus de bien, mais regarde, la rahma d'Allah est beaucoup plus grande, imagine-toi. Et c'est une rahma, bien sûr, qui lui est propre. Donc, la rahma de la créature, ce n'est pas la rahma du créateur, et c'est ce qu'a compris les sahaba. Sahaba, c'est ce qu'ils ont compris, directement. Est-ce qu'ils ont posé la question, Ya Rasulallah, tu nous dis la rahma de la femme et la rahma est plus grande que... Est-ce qu'ils se sont posé des questions à ce moment-là ? Ils ont dit, comment elle est cette rahma ? Hein ? Ah non, si tu dis rahma, ça veut dire quoi ? Tout de suite, ils ont fait un i'tirad, hachahum, hein, qu'Allah, subhanallah, yani, qui sont bien sûr loin de cela, les sahaba. Naam. Est-ce qu'ils ont posé des questions bizarres à ce moment-là ? Non. Non. Est-ce qu'ils ont dit, si tu dis ça, ça veut dire que tu l'as fait ressembler à une créature ou autre? Non, ils n'ont pas dit ça, sahaba, khalas. Donc ils ont compris que la rahma qui était celle d'Allah, elle lui est propre à lui, d'accord, et celle qui était pour le makhlouq, elle était propre au makhlouq, khalas. Vous avez compris ça, inshallah. Ils ne sont pas rentrés dans ce ilm kalam qu'ils n'avaient pas, d'ailleurs ils n'étaient pas pollués par cette science-là, d'accord, hein, cette science qui a pollué les esprits de l'époque du Ma'moun et bien après. Est-ce que vous avez compris ça, inshallah? Et il te montre donc la rahma qui peut avoir les différents degrés, il a rahma wasi'a. Et d'ailleurs, dans « Wa rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma », il y avait un salaf qui disait, comment tu peux sortir de la rahma d'Allah alors que sa rahma a englobé toute chose. D'ailleurs, si tu vraiment pour sortir de la rahma d'Allah, il faut vraiment le faire. Vous avez compris ça, inshallah ? Elle est beau, elle est belle cette parole, subhanallah. Elle dit, comment tu peux sortir de la rahma d'Allah alors qu'elle a englobé toute chose, subhanallah. نسأل الله أن يرحمنا جميعا. طيب فيني celui-là là. Elle n'est pas encore finie la première règle. نعم والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه على إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر إلى الآخر عفوا كمال فوق كمال فوق الكمال. مثال ذلك العزيز الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. يعني deux sens ici, الحكم والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة، قد تأخذه العزة نعم بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. طيب اقرأ الفرنسي. Suivez bien là. Là, c'est important, comme ça on termine cette règle. On fera la règle la prochaine fois. À chaque nom isolé. D'accord ? Donc, quand tu prends l'aziz, c'est l'aziz tout seul. Quand tu prends le hakim, c'est le hakim tout seul. Et chacun a son sens et il est dans. Naam. Tafadhal. Mais également à l'association d'un nom avec un autre. Vas-y, continue. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit deux noms, il ne le fait pas pour rien, Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois lorsqu'il utilise un mot tout seul, wahu al-aziz. Mais s'il dit wahu al-aziz al-hakim, il ne l'a pas fait comme cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez comprendre qu'en vérité, ça rajoute un kamal sur un autre kamal. Ça rajoute perfection sur perfection. Allahu akbar. Et ça rajoute le sens, bien sûr, de ce que Allah veut dire par cela. Naam. L'omnipotent, le tout-puissant, pour mieux comprendre le tout-puissant, celui qui a la puissance absolue, l'omnipotent, na'am. Et le hakim, c'est quoi? Le sage. Tafadhal, continue. Dans le Coran, Allah exalté, les associés souvent ensemble. Chacun des deux noms dénote une perfection particulière qu'il sous-entend. Ça veut dire que si tu le prends tout seul, l'aziz, il dénote quoi? Une puissance, c'est la toute puissance, la puissance absolue. Et si tu prends Al-Hakim tout seul, ou Al-Hakim, ça apporte son sens, etc. Vous avez compris? Mais lorsque tu les lis, lorsque tu les joins plutôt, vous allez voir l'effet que normalement ça doit donner. Naam. Donc Allah les lit souvent, Al-Aziz Al-Hakim. Fayakunu kullu minhuma. Regardez déjà, dans le hakim, il y a déjà deux sens. Subhanallah. C'est-à-dire que des fois, dans un nom, il y a deux sens. Al-hukum et al-hikma, dans quoi? Dans le hakim. Vous avez compris? Des fois, ça sous-entend combien? Deux sens. Ça veut dire que là, on a déjà trois sens. Vous avez compris? Trois sens et qui sont kamal ala kamal, qui sont perfection sur perfection. Wa alaykum as-salam. Mafhoum yaqwan? Taïb. Continue. L'association. Attends, deux secondes. Frère, après ça, tout le dhuhr, inshallah, la mosquée elle a besoin d'un coup de main sur soulever les pavés qui sont là. Ça prend une demi-heure. Rendez-leur ce service. Il a dit à pas mal de jeunes, on va en profiter. Parce que eux, malheureusement, c'est eux qui font les choses tout seuls. C'est des gens qui sont un peu âgés. Imaginez-vous. Ils sont deux ou trois, ils font ça tout seuls. On ne les laisse pas. Ils nous ont laissé cette mosquée et tout ça. Ça serait bien de leur rendre ce service. Et en plus, alhamdoulilah, c'est pour Allah. Donc, essayez de rester au moins jusqu'au dhuhr. Même moi, si je pars, parce que moi, je dois laisser quelqu'un, je dois garder Mohim, j'ai quelque chose à faire. On va raconter ma vie. Mais même si je pars avant Dhuhr, essayez-vous de faire Dhuhr. Et si ça ne vous dérange pas, d'aider cette mosquée-là. Barakallahu. C'est juste des pavés, il a dit. Ça prend une demi-heure. C'est bon, là. Oh là là, on me regarde comme ça, là. On dirait qu'ils sont punis. C'est un coup de main, c'est un truc, fissabilillah, subhanallah. Ouais, mais lui, toi, tu me fais pas, hein. Moi, je dois partir, moi. Malish. C'est bon. Allez, continue. L'association des deux noms indique une autre perfection. Cette perfection est que la puissance d'Allah est conjointe à la sagesse. La puissance n'implique pas l'injustice, l'iniquité ou de mauvaises actions, comme cela peut être le cas pour les puissants parmi les créatures. Allahu Akbar. Regardez, subhanallah. Vas-y, continue, fini. Le puissant parmi les créatures Allah Akbar. Regardez, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Wa huwa al-aziz al-hakim », je vous résume, vous avez compris normalement ces termes-là, mais je vous résume. Al-aziz, souvent quand quelqu'un, tu lui donnes la puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à faire du dhulm. Sah? Donne-lui l'aise, donne-lui l'argent, le pouvoir, donne-lui ça, tu vas voir comment il va. Il va commencer à faire ce qu'il veut. Moi je fais ça, tu m'écoutes, ou sinon c'est comme ça, etc. Il devient un tyran. Tyrannise des populations et des peuples. Vous avez compris? Taïb. Et souvent, la personne qui est sage aussi n'a pas de pouvoir. Sahulala, celui qui est sage, en général, hein, elle est tout en dessous de... Hein, ça dépend de la société, mais sauf si la société elle est dotée de bonne morale et de moralité surtout, hein, et de bon comportement. Pour eux, le sage, d'ailleurs, c'était ce qui se passait dans les premières sociétés musulmanes, c'était que le sage et les savants, ils étaient au-dessus même d'eux, des hukams, etc. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Pour eux, c'était, pour les musulmans, c'était ces gens-là, les élites. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est fil makhlouq. Ça c'est fil makhlouq. Amma Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque... C'est quoi l'intérêt alors de lier et de joindre ces deux noms-là dans un verset? Wa huwa al-aziz al-hakim. Il veut te dire, Allah subhanahu wa ta'ala, que cela, c'est une perfection sur perfection. Comme on a dit, si tu compares le makhlouq, tu vois que s'il a l'izza, khalas. Ou s'il a la sagesse, khalas. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a la sagesse, le fait qu'il a la sagesse et le fait qu'il a la puissance, cela te montre que dans sa hikmah, il est puissant, et dans sa puissance, il est hakim, et que les deux liés, hein, sont perfection sur perfection. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Tayyib. Et donc là, hein, subhanallah al-azim, on voit bien maintenant pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa al-aziz ou al-hakim lorsqu'il parle des peuples qu'il a châtié. Souvent dit wa inna rabbaka huwa al-aziz ou al-hakim. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Souvent, tu vois ces versets-là, il les lit souvent. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré, à travers ces versets-là, à travers ces deux noms-là, il a montré qu'il avait le dessus sur tous les peuples. Et que ça ne sert à rien que ces peuples s'adonnent à le désobéir et à faire des injustices sur terre. Puisque c'est lui l'Aziz. Est-ce qu'il y a plus Aziz que lui? Est-ce qu'il y a plus puissant que lui? Là. Donc ça ne sert à rien. Par contre, il est hakim. Il est hakim, et on a dit, il y a les deux sens dans le hakim, mais il est hakim, il veut dire que s'il a châtié ces peuples-là, il les a châtiés comment? Par justice de sa part, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Alors que nous, on a plein de aziz, des gens qui sont, hein, des gens qui sont puissants, mais walakin, c'est des dhalama. Ça, on le voit encore aujourd'hui. Des grandes puissances internationales, mondiales, etc., mais qui font que du dhulm. Et que personne parle avec eux. Et personne leur dit, vous êtes des dhalimines, et vous faites ça, et c'est injuste ce que vous faites. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont une puissance qui est tellement forte que tout le monde les craint. Vous avez compris? Un peu ce qui se passait à l'époque de qui? De Pharaon. Qui a sauvé le peuple de Pharaon? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais par le biais de qui? Moussa. C'est Moussa qui est parti voir qui? Hein? Est-ce que c'est le peuple qui s'est révolté? Non. Et le peuple, il subissait. On égorgeait, hein, les enfants, on laissait vivre les femmes. Et les hommes, on les prenait comme esclaves. Imaginez-vous. Est-ce que tu trouves pire que ça? C'est subhanallah. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Une grande épreuve qu'ils avaient, ben nous, Israël, le peuple de Moussa. Vous avez compris ça, Inch'Allah, mes frères? Donc, mahma kan, mahma balagat al-izza. Quoi que peut atteindre, yani, hein, cette puissance, na'am, qu'un être humain peut avoir, elle n'atteindra jamais la puissance, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui règne, c'est lui qui a le règne total. Al-hukm wa ilayhi turja'un. Ilayhi al-hukm wa ilayhi turja'un. C'est vers lui que vous allez retourner, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est l'intérêt donc de joindre ça? Des fois tu vois Ghafour al-Rahim. Maintenant je vais te donner un autre exemple qu'il n'a pas donné ici. Pourquoi Ghafour al-Rahim? Nallaha Ghafour al-Rahim. Wa kana Allahu Ghafouran Rahima. Pourquoi? Parce que al-Maghfira et al-Rahma, quand tu les mets dans un contexte, tu les mets dans un même contexte, chacun a son sens forcément. Vous êtes d'accord avec moi? Taïb. Al-Maghfira ici, le sens de Maghfira c'est quoi? C'est qu'Allah a pardonné les péchés passés, qui sont déjà passés. Et Rahma, elle a un autre sens, qui est quoi? Qui est qu'Allah va te protéger du mal de ces péchés-là et qui va te protéger du châtiment, mais de ne pas désobéir au futur. Quand tu dis Allah marhamni, si tu essayes, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, ya'simuka min al-khatafi fima ba'd, qu'il essaye de te protéger de quoi? De te protéger. Donc il y a une action passée, une action et future. Vous avez compris ça, inshallah? Mais si tu dis Allah marhamni tout seul, et bien dans le rahma, il y a aussi le maghfira. Vous avez compris ça, inshallah? Allah marhamni, quand tu dis tout seul comme ça, c'est qu'Allah te pardonne parce que il ne va pas te préserver, voilà. Il ne va pas te préserver du péché que si tu as déjà quoi? Pardonné. Donc, arhamni, vous avez compris? Mais si tu dis refirli, c'est la même chose. Tu demandes qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et arham. Yani qu'il te protège. Yani c'est un niveau zéro dans le péché. Sallallahu alayhi wa lakum dhalik. On n'a jamais qu'on rencontre pas Allah avec des péchés. Taïb. Est-ce que vous avez compris? Donc, inna Allah wa kana Allah ghafouran rahima, azizan hakima, aliman khabira. Aliman khabira. Aliman, c'est il a la science et il est bien informé. Vous avez compris? Il est bien informé de tout ce qui se passe et sa science a englobé toute chose. Vous avez compris? Et c'est perfection sur perfection à chaque fois. Si toi tu médites ensuite le verset, tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire cela. A voulu, hein, par exemple, souvent dans les versets de, comment dirais-je, de Surat al-Nisa, souvent Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il est bien informé. Il est bien informé des injustices. Parce qu'en vérité, dans Surat al-Nisa, Allah parle de qui? Il parle du huquq, des huquq, des droits, des du'afa, des gens qui sont faibles, les femmes, les yatims, etc., etc., les orphelins, etc., et aussi le droit des héritages. D'accord? Ce que vous connaissez, quand tu lis le sixième, et s'il ne fait pas ça, il a le tiers, etc., dans Surat al-Nisa, c'est vrai, c'est faux. Allah est venu parler, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans cette surah de quoi? Il a parlé des huquq de du'afa, des droits des faibles. Mais à chaque fois, il fait suivre aliman, khabira, c'est-à-dire Allah sait et il est bien informé des injustices que vous faites. Vous avez compris? Entre vous, vous essayez de prendre le haq de l'autre et enlever le haq de l'autre, d'accord? Ou donner un haq supplémentaire à l'autre. Allah est bien informé de ce que vous faites et il est omniscient. Il est omniscient dans quel sens ici? Il est omniscient, ça veut dire que lorsqu'il va émettre une règle, il ne va pas se tromper. Surtout dans les héritages. Vous avez compris? Vous avez compris? Par exemple, quand Allah il donne deux parts pour l'homme et il ne donne qu'une part pour la femme, beaucoup ont essayé de diminuer ou dévaloriser l'islam de par rapport à ça. Mais celui qui réfléchit en vérité, il comprend bien une chose. Il comprend qu'Allah a été hakim, alim, khabir d'avoir légiféré cette chose-là. Pourquoi? Parce que l'homme, de par sa nature, il est doté de rigueur. Vous avez compris? Andou, la fermeté de la rigueur. Rajoul. Sa'ulala, taïb. Il va plus faire attention à ce qu'il dépense. Et c'est que quoi? À ce qu'il dépense. Il va faire attention à ses dépenses. C'est vrai ou c'est faux? Taïb. La femme, souvent elle est sensible. Ah, l'enfant il est gentil, allez je lui donne tel cadeau. Ah, puis mon mari aussi, il est gentil, je lui donne tant. Ah, là, ça donne. Hein? Mashallah. Elle donne. Mais des fois, donne trop. Après, il ne reste plus rien. Taïm. Donc, la femme, par sa sensibilité, hein, et d'ailleurs, regardez, c'est un kamel en vérité. Même un couple, c'est un kamel. Il y a la fermeté, la rigueur de l'homme, et il y a la sensibilité, la douceur de la femme. Et ça met un équilibre mental, même chez les enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que les enfants, lorsqu'ils n'ont pas de père ou n'ont pas de mère, ils ont vraiment un problème. D'accord ? Il en manque un des deux, il est déséquilibré, fait le haqiqa. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Taïb. Eh bien, cette femme-là, il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'elle a une seule part. Et que l'homme, il a deux parts. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit donner à qui ? À la femme, il a l'obligation de quoi ? Yanfiqa alayha. Mais Allah a doté cela à qui ? À l'être qui est plein de rigueur. Qui est l'homme ? Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, la yati ahad. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne, il veut essayer de dévaloriser l'islam de par cela. Non, la femme au contraire, elle est bien. Elle a sa part, personne ne la touche. C'est sa part à elle. Et yunfaq alayha. Et en plus, on dépense pour elle. Allez, mashallah, elle, la femme. C'est bon, c'est bon. Toi, tu es obligé de. Et si ça manque, hein, si ça manque et tu as ta part, tu dois lui donner. C'est-à-dire, tu dois lui donner, tu dois t'en faire aller. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, ça, c'est une hikma ou pas ? C'est hakim, cette chose-là ou pas ? Ça, c'est hakim. Donc, hakada, yakhwan. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il parle des noms et des attributs et qu'il montre que cela, hein, et des fois, il est joint dans un seul verset, c'est pour montrer quoi ? Sa puissance, sa sagesse. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, a englobé. Hein, de par sa science toute chose. Est-ce que vous avez compris ça, mes frères ? Mafhoum hada ? Taïb, ça, on a fini la première règle, on fera l'autre règle, inshallah ta'ala, la prochaine fois.